Chine est une... La Chine, on oublie que la Chine, c'est un pays communiste. C'est une dictature, la Chine. C'est pas parce qu'il y a quelques... dizaines de gens qui sont milliardaires que ça veut dire que la Chine est dans notre système de valeurs pour ce qui est de l'égalité entre les hommes et les femmes. Et puis pour ce que de... Mais les Chinois ne sont pas... Je veux dire, ceux qui sont religieux en Chine n'ont pas... Leur religion ne les amène pas à considérer que la femme est inférieure. C'est ça aussi qu'il faut dire. C'est parce que c'est rattaché aussi au fondamentalisme islamique, ça. Et en Afrique, quand c'est pas le fondamentalisme islamique, c'est la religion des machistes qui existe depuis toujours. Qu'est-ce que ça dit sur l'Afrique? Mais ça dit que l'Afrique, voyez-vous, le Nigeria, c'est une contradiction. Le Nigeria, je le dis, c'est le pays actuellement le plus riche à cause de son pétrole. Eh bien, vous voyez, si vous ne transformez pas la culture avec la richesse qui vient, vous allez avoir un pays riche où des choses comme ça vont se passer. Mais là, vous êtes dans des tribus qui s'affrontent. Et là, actuellement, là, c'est les islamistes en Afrique là qui sont partout, qui sont pas seulement là, qui sont en train de déchirer l'Afrique au nom d'Allah et qui kidnappent des Occidentaux. Il y a encore un ou deux journalistes français qui sont pris en Afrique. Dans une religieuse québécoise, Madame Bombardier, aussi. Alors, après cela, oui. Étonnons-nous que les gens aient une perception négative de l'islam et des musulmans. Et c'est pas la faute des musulmans, là, parce que c'est pas la majorité des musulmans. Mais c'est parce que c'est eux, actuellement, qui sèment les pires horreurs sur la terre. C'est fait au nom de l'islam. Et c'est ça qui fait que, pour des gens, il faut faire un effort de rationalisation, pour essayer de se dire, mais c'est pas vrai que la majorité accepte ça. Ce sont des minoritaires, mais c'est eux qui créent les événements tragiques de la Terre. Et là, il y a eu le calvaire au féminin, mais qu'on pense au massacre de chrétiens au cours des derniers mois. Des massacres de chrétiens, c'est du jamais vu depuis fort longtemps, là. Aussi, en Égypte, ça s'est vu. En Syrie, Et puis, il y a eu les frères musulmans en Algérie. On a fait un très beau film avec, quand ils sont entrés dans le monastère, des pères, c'était des Français, et ils les ont tous tués. Il y a un très, très beau film là-dessus. Oui, absolument. C'est sûr. Et là où ils sont, c'est ça. C'est la guerre de religion. Le 21e siècle, on retrouve des guerres de religion. C'est vraiment un recul incroyable. Parce qu'en Algérie, ça n'a pas été comme ça tout de suite après l'indépendance. C'était pas comme ça. Les frères musulmans n'étaient pas arrivés au pouvoir. Puis les frères musulmans, ils réussissent à prendre de la force. Parce que dans les pays où ils sont des pays qui sont atteints de corruption. Donc il y a toujours, le peuple se sent trahi par ceux qui les dirigent et qui leur ont promis un mieux-être. Eux, ils savent faire ça, utiliser ça à leur fin. Il y a une dichotomie entre, on n'a jamais été autant technologique, autant rapproché. C'est une guerre barbare, c'est une guerre médiévale, mais de l'autre côté avec des cellulaires, des BlackBerry, des iPhones, oui, des textos. Mais il y a un grand spécialiste de l'islam que j'ai, Marek Chebel, que j'ai interviewé, que je connais très bien d'ailleurs, qui est un écrivain français et qui a un doctorat. Écoutez-moi bien ça, il y a un doctorat en religion. C'est un spécialiste de l'islam, parce qu'il est musulman à l'origine. Il est docteur en psychiatrie et il est docteur en sociologie. Et lui, il explique que dans la culture musulmane, il y a quelque chose qui fait que les hommes sont malades des femmes. C'est une maladie, la perception qu'ils ont des femmes. Il voit la femme comme une menace. Moi, je vous dis qu'il y a des hommes aussi dans nos sociétés qui les voient comme une menace, les femmes. Mais enfin, encore que, il y en a certains. Tous les hommes qui violent les femmes, ils les voient comment, les femmes, les hommes qui violent les femmes? Des objets. Des objets. Et le mépris. Et qu'est-ce qu'il y a derrière ça? C'est de la haine. Il y a la peur, panique des femmes. ce sont pas des hommes, ça. Ce sont des gens qui, ce sont pas des hommes. Un homme qui s'assume, un homme n'a pas peur de la femme. Il comprend que la femme, c'est à la fois son complément et ça peut être son bonheur. Des fois, ça peut être son emmerdement aussi. Mais ça, c'est autre chose. Mais exact. La perception que l'on a des femmes et toutes les religions portent en elles une sorte de comment dire, de caricature de ce qu'est la femme. Dans la religion catholique, nous étions les objets de péché. C'est comme ça qu'on avait été. Moi, c'est comme ça que j'ai été élevée. Avec les religieuses, entre autres les religieuses cloîtrées, il y en avait à Shawinigan où je vivais. Non, mais c'était pas les religieuses cloîtrées, elles étaient avec le bon Dieu en direct, c'était pas celle-là. Mais ce qu'on nous racontait, c'est que nous, les filles, il fallait être pures et il fallait pas provoquer les garçons. Moi, je l'ai écrit dans un de mes livres. Écoutez bien, on a eu une retraite fermée. On pourrait arrêter là-dessus. On a eu une retraite fermée un jour. Le gros curé, je me souviens, l'abbé Lalonde, il avait sa grosse auto et tout. Il parlait des filles. On avait 14, 15 ans quand même. Et il nous avait expliqué que la force sexuelle d'un garçon, ça pouvait déclencher une bombe tellement c'était puissant. Et que c'était nous qui étions chargés de ne pas mettre, de ne pas allumer la mèche avec nos comportements. C'est quand même incroyable. On est le sexe faible, Madame Bombardier. Moi, profondément, je le crois. Mais c'est pour ça qu'on vous aime. Madame Bombardier, c'est un grand plaisir. La semaine prochaine, on vous parle en direct de la Colombie-Britannique, c'est ça? Vous allez être en congrès? Au Soyuz, oui, dans la vallée de Nokanagan, à 5 heures de Vancouver. J'assiste à un grand séminaire sur tout le problème des Indiens de l'Ouest de l'Ouest canadien. Il y a des gens très savants qui vont venir nous expliquer tout ça. Et il va y avoir, j'imagine, des Indiens qui vont venir nous dire, des Autochtones qui vont venir nous dire qu'on est des salauds, ça fait partie, et d'autres qui vont être un peu plus nuancés, je l'espère. Merci beaucoup, Mme Bombardier. Au revoir. Au plaisir, au revoir. Denise Bombardier, 10h24.